Lights. J'ai pas changé combat du 7, combat du 7, du 7. J'ai pas retourné ma veste, j'ai pas retourné ma veste. J'collectionne les billets de 500. Bête mon genre dans l'hélico sur la concu, j'laisse mes sons. La vie ne fait pas le moine en survêt, mais j'fais rentrer comme un homme d'affaires. Maintenant c'est moi l'aîné chez moi, j'ai fini de régler toutes les dés de ma mère. Ça sent mille ici, 4-5 boîtes par là. Sur WhatsApp ou Bigo avec un gros 6. Ça détaille ici, ça pique un par là. Et connaît les coins des deux partout, ça crie. Et ça depuis tout petit. Je donne R44 sa mère.